Ce soir, les dieux seront en colère. La foudre va frapper très fort. La peur règne sur la famille. Ce soir, les dieux seront en colère. Ce soir, les dieux seront en colère. Ce soir, le ciel tombera. Les éclairs jailliront de toutes parts. Il y aura des millions de morts. Ce soir, le ciel tombera. C'est la fin du monde. Les plaines seront dévastées par la montée des eaux. Ce soir, c'est la fin du monde. Ce soir, c'est la fin du monde. Ce soir, dites adieu à la vie. Les volcans entreront en éruption. Les éléments se déchaîneront. Ce soir, dites adieu à la vie. Ce soir. Alors on va encore la décaler. Ce soir, ça ne sera pas la fin du monde. Ce soir, il n'y aura rien. Ce soir, on ne sera pas en colère. Vous pouvez encore dormir tranquille. Ce soir, il n'y aura rien.